Donc, nous allons continuer ensemble, si vous voulez bien, étudier un sujet pas tellement facile. Hein? Cette semaine, j'étais chez nous et quelqu'un nous frappait à ma porte. Et après quelques minutes que je jasais avec, c'est la première fois que, non, peut-être la deuxième fois que j'y parlais, j'avais parlé quelques minutes avant, une autre fois. Et je voyais qu'elle ne voulait pas partir de chez nous. Elle venait mener quelque chose chez nous, mais elle ne voulait pas partir de chez nous. Je disais, voyons, c'est quoi, c'est quelque chose qui se passe là. Et je voyais qu'elle voulait jaser, donc je me suis mis à jaser avec la personne. Et tranquillement, j'ai emmené le côté spirituel. Je me suis dit, si tu restes là, peut-être quelque chose spirituellement que Dieu voudrait que je parle avec toi. Donc je commençais à parler des choses spirituelles avec elle. Puis j'ai dit, elle voyait qu'elle voulait jaser, elle parlait, on jasait. Et tout d'un coup, elle dit, ben, j'ai dit, c'est peut-être bon qu'on se revoie, qu'on en parle. Elle dit, oui, je voudrais bien qu'on se revoie, parce que elle dit, je suis en train de vivre une expérience très difficile. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a, si tu veux en parler? Elle dit, bien là, je viens de dire à mon mari que je partais. Je me divorce, je me sépare. Hein? Parce qu'elle venait de savoir que son mari la trompait depuis une bonne secousse de temps. Et finalement, ça s'est su, je ne sais pas comment. Et là, elle dit, je me divorce pour la troisième fois. Elle dit, je trouve ça pas mal difficile. Et je voyais à quel point l'expérience qu'elle vivait était douloureuse pour qu'elle puisse en parler avec un étranger, se mettre à broyer à ma porte. Je voyais bien qu'elle souffrait. Qu'est-ce qu'on lui dit? Comment est-ce qu'on la console? Qu'est-ce qu'on peut lui partager pour l'aider dans ce qu'elle est en train de vivre? J'ai dit, c'est de valeur que tu ne sois pas à notre église parce qu'on est en train d'étudier justement le sujet du mariage, du divorce, du remariage, du célibat. J'ai dit, parce que la personne qui peut t'aider s'appelle Jésus. Et moi, je ne peux pas vraiment t'aider en tant que personne, mais Jésus peut t'aider. Et elle dit, ben, il faudrait que je lirais la Bible. Fait que je vais la revoir dans les semaines qui vont venir. Si elle ne déménage pas, parce qu'elle veut s'en aller rester ailleurs. Donc, si je peux la revoir, je vais probablement l'encourager à se tourner vers la Bible pour voir qu'est-ce que Dieu a dit sur le sujet et des grandes décisions, parce que là, les semaines qui s'en viennent, on a un paquet de grandes décisions à prendre dans sa vie. Et souvent, ils sont émotionnellement touchés. Ils sont même difficiles à prendre les décisions, mais il faut qu'ils les prennent pareil. Parce qu'il faut qu'elle parte, il faut qu'elle déménage, il faut qu'elle s'en aille. Il y a un paquet de choses qui se passent dans sa vie. Le lendemain, je rencontre un chrétien qui m'apprend une nouvelle qui m'a attristé, parce qu'il me dit... As-tu eu des nouvelles dernièrement de so and so? Je dis non, je n'ai pas parlé depuis une secousse. Et un chrétien depuis 30 ans, 32 ans, et avec qui j'ai travaillé pendant des années dans une autre église. J'ai marié ses propres enfants. J'ai baptisé ses enfants. J'ai marié ses enfants. Je le connais depuis longtemps. Et là, j'apprends qu'il vient de se séparer de sa femme depuis deux, trois semaines. Le divorce, le mariage, la séparation, c'est partout. Donc, il est important pour nous, en tant que chrétiens, parce qu'on n'est pas à l'épreuve de ça. Mais oui, lui, ça fait 32 ans qu'il est chrétien. Je me souviens d'avoir parlé de lui, avec lui, de gens qui se divorçaient dans notre église, puis on dit et là, c'est son tour maintenant. Et là, il ne parle plus C'est facile, hein, de pointer le doigt tant qu'on ne le vit pas. Mais quand on l'a vécu, puis qu'on le vit, tout d'un coup, hop, ça change un peu. On devient moins sévère. Hein. Comment je dirais ça? Le but, ce n'est pas d'être sévère ou pas être sévère. Le but, c'est de comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Qu'est-ce que c'est que Dieu veut pour nous? Parce que l'être humain veut être heureux. Et le bonheur se trouve dans la personne de Dieu, dans la parole de Dieu, dans l'enseignement de Dieu. J'ai dit à cette femme-là qui était à ma porte, j'ai dit, tu comprends-tu pourquoi tu t'es divorcé trois fois? Elle a dit, le problème, je ne sais même pas vraiment pourquoi. Mais j'ai dit, si tu te remaries, tu vas peut-être te divorcer une quatrième fois, si tu n'as pas réglé le problème. Si tu ne comprends pas pourquoi c'est arrivé dans ta vie, comment vas-tu faire pour te préparer pour la troisième ou la quatrième fois? Donc, c'est, elle dit, j'aimerais bien le savoir, mais je n'ai pas le temps de jouer ça avec toi à soir, 9h, à ma porte, là. Mais on pourrait peut-être se rencontrer et en jaser un peu plus. Vous savez, quand on a, la semaine passée, on a parlé du mariage. Et quand Jésus s'est fait interroger par rapport au mariage et au divorce, Jésus n'a même pas dit « je ». Il n'a même pas dit « je ». Il a dit « Dieu au commencement ». Jésus a transcendé toutes les cultures, toutes les sociétés, toutes les traditions. Il a remonté jusqu'au paradis et il a dit « voici ce que Dieu a dit du mariage ». Fait qu'il ne faut pas nous autres commencer à dire notre société, ma tradition, ma culture, ma vie. Non, non, non. Si on veut savoir hein, c'est quoi le mariage, il faut sauter par-dessus tout ça, retourner dans le paradis et regarder le premier mariage de deux personnes non pécheurs. Parce que c'est là que le mariage a commencé. On ne peut pas regarder aujourd'hui. Parce que le mariage, c'est un mariage qui se fait, là, je dirais, 100% du temps entre deux pécheurs. Célébré par un pécheur, et c'est comme ça. Mais on ne peut pas regarder à ça pour savoir. C'est ça que Jésus dit aux pharisiens qui regardaient à leur vécu, à leur tradition, à leur façon, à leur religion, guillemets. Ils regardaient là, puis ils avaient des idées, ils avaient des croyances, par rapport au mariage, au divorce, et puis ils croyaient qu'il avait raison. Jésus dit, non, vous ne regardez pas assez loin. Si vous voulez comprendre, vous devez reculer dans le temps, jusque dans le paradis, et regarder ce que Dieu a fait quand il a célébré, je peux dire ainsi, le premier mariage. Alors, Jésus dit, au commencement. Donc, Jésus n'a pas fait référence à Abraham, il n'a pas fait référence à David, il n'a pas fait référence à Salomon, comme certains font. Si Salomon a eu 1000 femmes, on a le droit d'en avoir plusieurs. Salomon n'est pas la référence. Vous savez, dans l'Ancien Testament, tous les grands hommes de Dieu, presque tous les grands hommes de Dieu avaient plusieurs femmes. Abraham avait une gang, David avait une gang, Salomon avait 1000. Nommez-les, il y avait tous plusieurs femmes. Savez-vous comment ça me réjouit? Pas qu'il y avait plusieurs femmes, ce que Dieu les utilisait quand même. Dieu les utilisait quand même s'il y avait 1000 femmes. Salomon était l'homme le plus sage de la terre. Dieu l'a utilisé pour délivrer son peuple et amener son peuple dans une position spirituelle très, très grande. Une prospérité très grande. Mais pourtant, c'est un homme qui avait désobéi à Dieu énormément. Ça, c'est juste un point, là, du côté du mariage. Il avait au moins désobéi à Dieu 1000 fois. Non, 999 fois, parce que la première fois, c'était correct, mais les 999 autres, il n'aurait pas dû les prendre. Et ça nous montre à quel point Dieu est gracieux. Mais ce n'est pas Salomon la référence. Jésus n'a pas dit, regardez Salomon! Il dit, allez voir au commencement comment Dieu a fait les choses. C'est là que vous devez regarder si vous voulez savoir c'est quoi le mariage. Et on a vu ensemble la semaine passée que... je vais reculer d'un pas. Il ne faut pas regarder aux juges, aux avocats, au gouvernement pour savoir c'est quoi le mariage. Parce qu'ils ont une définition du mariage qu'ils ne disent pas « au commencement ». Ils ne disent pas ça, eux autres. Ils disent, maintenant, c'est ce qu'on vit. Dans notre culture, c'est comme ça. Donc, le mariage, ça veut dire ça. Mais quand on fait ça, qu'on soit gouvernement, ou qu'on soit pasteur, ou qu'on soit baptiste ou catholique, on va se tromper. Si on ne veut pas se tromper, on doit dire, au commencement, qu'est-ce que Dieu a fait? On a vu ensemble, deux semaines, que le mariage était d'abord un acte divin. C'est Dieu qui a commencé ça, cette histoire-là. Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. Et c'est ça que Dieu a fait. Ça, c'était le mariage. Le mariage se définit seulement que par ce verset-là. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. Et c'est fini. Si vous rajoutez quelque chose, vous dépassez ce que Dieu a voulu faire. C'est un acte très ancien parce qu'il dit, c'était au commencement que ça s'est passé. On a vu ensemble, c'était un acte de séparation. Tu dois quitter, avant de t'unir, tu dois quitter quoi? Père et mère. OK? Père et mère. Tu quittes père et mère et tu vas commencer une autre cellule familiale et tu deviens une seule chair. Tu dois te séparer avant de t'unir avec un autre. Et ça, aujourd'hui, on ne fait pas ça. On s'unit, puis on est encore chez les parents. Cette semaine, ma fille nous m'a demandé quelque chose. J'aurais aimé mieux pas entendre. J'ai dit, ma fille, c'est donc de valeur, tu n'étais pas à l'église dimanche passé. Quand j'ai enseigné sur le mariage. J'aurais aimé qu'elle soit là. Ça m'aurait évité d'avoir des battements de cœur et d'avoir une discussion avec elle. C'est un acte d'abord de séparation de mes parents. Et ensuite ça, je vais m'unir avec quelqu'un d'autre. Mais c'est un acte de séparation. Et quatrièmement, on a vu que c'est un acte d'union. L'homme et la femme s'attachent l'un à l'autre pour toujours. Il n'y a pas de séparation possible. C'est pour ça que Jésus a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est impossible pour l'homme de séparer ça. Là, je parle du mariage avant que l'homme soit pécheur. Et la femme aussi, bien entendu. Et on a vu que le mariage est un acte permanent. C'est que c'est un acte qui est là. Et on a vu ensemble que l'apôtre Paul a dit dans Romains 7 que il a donné une partie de la vérité, que seulement que la mort pouvait rendre libre un homme ou une femme de se marier avec quelqu'un d'autre. Donc, c'était le mariage, c'était ça selon Dieu. Et là, il s'adressait à deux êtres parfaits dans un lieu parfait et qui avaient une relation avec Dieu parfaite. Donc, si vous voulez savoir le mariage, dans la pensée de Dieu, c'était ça. Un homme, une femme, parfait, dans un lieu parfait, pour toujours, dans une relation parfaite avec Dieu. C'est beau ça, hein? C'est-tu donc beau? C'est parfait! C'est parfait! Mais on n'est plus là. On n'est plus parfait, on n'est plus dans un lieu parfait. Et notre relation avec Dieu est loin d'être parfaite. Donc, ça a amené des complications, bien entendu. Aussitôt que l'homme a péché et la femme a péché, c'était le commencement de la débandade, mon gars, du côté de la famille. C'est arrivé au deuxième chapitre de la Bible et c'est déjà la polygamie. Aussitôt que l'homme et la femme sont plus parfaits, c'est la polygamie qui commence. Hein. Tout de suite dans la Bible, chapitre 2. Tic, ça commence. Hein. Tout ça parce que l'homme et la femme sont pécheurs. Donc, nous maintenant, quand nous arrivons dans 4000 ans ou 5000 ans, ou 5 millions, si vous croyez, d'années après cette perfection-là, mais c'est pas surprenant que les gens cognent à notre porte et nous disent « Je viens de divorcer aujourd'hui. » C'est pas surprenant. C'est attristant, mais c'est pas surprenant. Parce que les gens vivent ça. Et la seule chose qui peut empêcher ça, c'est que tout ce monde-là retournerait dans le paradis. Et là, il n'y aurait plus de divorce, c'est certain. Plus de séparation. Donc, si vous ne comprenez pas, ou si on ne comprend pas bien le mariage selon Dieu, on ne pourra pas comprendre le divorce, on ne pourra pas comprendre le remariage, on ne pourra pas comprendre le célibat qu'on va parler ensemble. Il faut qu'on comprenne bien le mariage pour comprendre bien les autres. Parce que quand la Bible va faire référence au divorce ou au remariage, elle présuppose que nous comprenions bien le mariage. OK? Mais quand Jésus s'est fait poser la question par rapport au divorce, si Dieu était le seul apte à définir le mariage, est-ce qu'on ne peut pas présumer que Dieu est le seul apte à définir aussi le divorce? Donc Jésus, les gens lui ont posé la question, est-ce que je peux divorcer pour une raison quelconque? Jésus dit, Dieu a. Il retourne à la même place. Dieu a dit. Voilà. Il ne dit pas... Qu'est-ce que les sexologues disent? Pas ce que les psychologues vont vous dire, pas que la société va dire, c'est pas ce que les religions, les gouvernements, les juges. Il dit, Dieu dit. Si nous, on ne fait pas la même chose, on est comme les pharisiens et les gens partout. Donc, quand on s'évalue, quand vous vous évaluez vous-même par rapport à votre vie conjugale, c'est à Dieu qu'il faut vous aller dire, qu'est-ce que Dieu dit de ma situation? Si vous ne faites pas ça, ça ne sert absolument rien d'aller voir psychologue et pasteur et qui que ce soit, ça ne change absolument rien. C'est Dieu qu'on interroge. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ça? J'ai dit ça peut-être 10 fois à la madame qui était chez nous, à la porte. Qu'est-ce que Dieu dit de ça? Qu'est-ce que Dieu dit de ça? Qu'est-ce que Dieu... Parce qu'elle me ramenait tout le temps d'ailleurs. Parce que c'était sa... Elle ne pouvait pas faire autrement. C'était sa nature qui était comme ça. Moi, je disais tout le temps, non, qu'est-ce que Dieu a dit de ça? Si tu ne vas pas chercher ça, tu n'auras pas trouvé la vérité. Qu'est-ce que Dieu dit de ça? Si Dieu est le seul qui peut unir, nous allons voir ce matin que Dieu est le seul qui peut désunir. Si c'est Dieu qui unit quelqu'un, j'ai dit ça souvent quand je m'arrête des gens, moi je ne vous unis pas aujourd'hui, c'est là. Je n'ai pas le pouvoir d'unir les gens, moi. C'est Dieu qui unit les gens. Ce que Dieu a, une chance qu'il n'a pas dit ce que le pasteur a uni. Je pense qu'il n'a pas dit que c'est ce que le juge a uni ou ce que le proto-notaire a uni. Je pense qu'il n'a pas dit ça parce que ça nous mettrait un super fardeau sur moi. Je ne le voudrais pas. Si ça serait ça, je ne vous marierais pas personne. Je ne voudrais pas avoir la responsabilité. Moi, tout ce que je fais, c'est vous emmener à réaliser en tant que chrétien que vous êtes en train de vous unir devant Dieu. C'est Dieu qui va bénir votre mariage, pas moi. C'est Dieu qui va vous unir, pas moi. C'est, si vous voulez faire de quoi après, c'est avec Dieu, vous devez vous arranger pas avec François. Il y a une femme qui était venue voir une fois et elle dit hey, François, c'est toi qui nous as mariés après tout. Il dit non, madame. C'est moi qui vous ai présenté le papier pour signer, ça c'est bien vrai. Mais je vous ai bien dit, j'ai la cassette, encore écoutez la cassette. Vous êtes unis devant Dieu. C'est Dieu qui vous a mariés, pas moi. Donc allez vous arranger avec Dieu. N'est pas me blâmer, moi, là. Hein? Je me protège. Je me protège. Un petit peu. Donc, voyons ce que c'est que Dieu, Jésus dit. On est au verset 7. Puis là, il leur dit que le mariage, il vient de leur définir le mariage, c'est une femme, un homme s'attachent pour la vie, pour l'éternité, je pourrais dire, pour la vie. Et là, les pharisiens comprennent très bien ce qu'il est en train de dire, qu'ils n'ont pas le droit de divorcer. Et là, il dit au verset 7, les pharisiens disent au verset 7, « Pourquoi donc lui dire-t-il, c'est les pharisiens, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? » Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes au commencement. Il n'en était pas ainsi. » Il n'en était pas ainsi. « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse un autre, commet un adultère. » On va arrêter là, parce que c'est tout ce qu'on va voir ce matin, ce petit bout-là. Le divorce. Ici, le texte commence en disant, et là, c'est vrai comme Jésus fait une espèce de switch. Il dit, Dieu au commencement, et là, il dit, les autres, ils disent, Moïse a dit. Et là, c'est pareil comme, on a dit, mais Moïse, plusieurs ont posé la question, est-ce que Moïse aurait fait de quoi que Dieu ne voulait pas? Est-ce que Moïse aurait permis le divorce quand Dieu ne voulait pas? Parce que je vous garantis, si on arrête ça au verset 6, ça vient de s'éteindre. Tu te maries et tu ne divorces jamais. Faites bien attention quand vous étudiez le sujet du divorce, du remariage. Faites bien attention quand vous passez de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, un homme ou une femme qui était pris en flagrant lieu de divorce, d'adultère, il n'y avait pas question vraiment de divorce beaucoup. Pourquoi? On les tuait. Ils mourraient. Plusieurs d'entre nous, si on vous transporterait 4000 ans en arrière, on vous mettait dans l'Ancien Testament, vous seriez morts aujourd'hui. Hein? Oui, mais il y en a qui seraient morts parce qu'ils ont commis un divorce qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Ils ont fait un adultère qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Ils seraient morts. Donc faites attention quand vous passez d'une place à l'autre dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il ne faut pas vous appliquer dans le Nouveau Testament les choses de l'Ancien Testament, ni l'inverse. Il faut faire attention. Il faut comprendre les deux contextes de ça. Ici, les pharisiens en appellent à Moïse. Y avait-tu le droit? Ben oui, il y avait le droit. Parce qu'il a appelé à Moïse. Jésus a appelé à Moïse aussi quand il vivait sur la terre. Moïse ne vous a-t-il pas dit? Donc, il en a appelé à Moïse. Les apôtres en ont appelé à Moïse à plusieurs reprises plus tard. Les prophètes n'ont-ils pas dit? Moïse n'a-t-il pas dit? David n'a-t-il pas dit? Donc, il en a appelé à des hommes dans l'Ancien Testament qui étaient les porte-paroles de Dieu. Et Jésus fait la même chose. Moïse vous a dit, oui, Moïse vous a permis. Donc, Jésus n'a pas dit, c'est pas bon ça. Moïse n'a pas d'affaire à dire, c'est Dieu qui parle. Il n'a pas dit ça. Il a dit, OK, Moïse a dit. OK, donc, ici, quand on dit Dieu, Moïse a permis le divorce, il faut le voir comme Dieu a permis le divorce. C'est pas tout d'un coup qu'il y a une loi que Moïse allait sortir puis qui n'était pas de Dieu puis qu'il n'aurait pas eu le droit. Comme que Dieu n'aurait pas repris Moïse d'une façon quelconque, va dire, hey, qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai pas enseigné ça, moi, là, je n'ai pas dit ça. Là. Souvenez-vous dans le Nouveau Testament, à un moment donné, quand Paul est en train de parler sur le mariage et le célibat, et il dit à un moment donné, excusez, ce n'est pas moi qui dis, c'est le Seigneur. Quelques lignes après, il dit, ce n'est pas le Seigneur qui dit, c'est moi qui dis ça maintenant, à ce bout de site. Voyez-vous qu'il dit ça à deux, dans le même texte, tous trois, quatre versets de différence. Il dit, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Dieu qui dit ça. Et là, il faisait référence à une parole dite par Dieu, ou à parole que lui-même aurait reçue, parce qu'on sait que Paul a eu des visions, des apparitions de Jésus, il a parlé de vive voix avec Jésus. Jésus, il a peut-être dit quelque chose, directement. Il dit, c'est pas moi qui dis ça, c'est le Seigneur qui dit ça. Mais un autre, il dit, ce n'est pas le Seigneur qui m'a dit ça, c'est moi qui dis ça maintenant. Est-ce que c'est moins biblique? Ben non. On ne découpe pas dans notre Bible le bout que Paul le dit, puis on ne le jette pas à la poubelle. On sait que Paul, quand il dit ça, ce qu'il est en train de dire, il y a une chose que j'ai entendue de vive voix dans mes apparitions, ou ben non, que Dieu nous m'a parlé, et l'autre, c'est par inspiration, par révélation. Comme une grande partie du Nouveau Testament a été écrite, par révélation. Donc, c'est pas que c'est moins biblique ou moins de Dieu. C'est encore dit, Paul a dit, hein, ça, si je vous dirais aujourd'hui, Paul a dit, vous n'allez pas dire, mais là, on est des disciples de Paul. Ben non, vous allez comprendre que c'est Dieu qui dit à travers Paul. Et ça, c'est pas quand on dit, Moïse a dit, on est en train de dire, Dieu a dit à travers Moïse, je permets le divorce. Je permets le divorce. Mais il n'arrête pas là, il continue un petit peu. Puis il dit, on va clarifier un petit peu la situation. Il ne faudrait pas partir en part avec ça. Beaucoup de gens font référence, quand on parle de divorce dans cette semaine avec Moïse, font référence à Deutéronome 24. Où est-ce qu'il dit que si un homme trouve chez une femme quelque chose de honteux après l'avoir mariée, qu'il lui donne une lettre de divorce et qu'il la renvoie chez eux. Là, tout le monde s'ostine sur la question du honteux. Qu'est-ce que c'est le honteux? Et le mot est traduit ailleurs, impureté. S'il trouve chez sa femme une impureté quelconque, qu'il lui donne une lettre de divorce et qu'il la renvoie chez eux. Le texte n'est pas là pour clarifier le divorce. Il n'est pas là pour nous dire que Dieu permettait le divorce. Le divorce était déjà installé à ce moment-là. Mais le texte continue en disant, si cette femme-là, maintenant, qui se remet, parce que là, il dit, après ça, elle va devoir se marier avec quelqu'un d'autre. Elle est divorcée, elle va devoir se marier avec quelqu'un d'autre. Et là, si elle se marie avec quelqu'un d'autre, et ce deuxième personnage-là, lui-ci, la divorce, il dit, il trouve quelque chose de, je ne me souviens pas le mot qu'il emploie, il dit, il trouve quelque chose en elle encore de honteux, et il la renvoie, il l'a en aversion, c'est le mot qui est là, il la prend en aversion, et il la renvoie, il la divorce, lui-ci, elle donne une lettre de divorce, ou même si l'homme meurt, le deuxième meurt, cette femme-là n'a pas le droit de les se marier avec le premier mari. C'est ce que le texte enseigne. Le texte ne parle pas du divorce ou ne nous permet pas un divorce pour quelque chose. Il est juste en train de dire, si toi, en tant qu'homme, tu as répudié ta femme pour quelque chose d'impur ou de honteux, tu n'as pas le droit de la reprendre après parce que tu es en train de dire que tu n'avais pas raison de le faire la première fois. Parce que du maintenant, elle est souillée, cette femme-là. Tu l'as rejeté pour quelque chose de honteux. C'était pas l'adultère. Parce que si c'était l'adultère, elle aurait été lapidée. Elle n'aurait pas eu une lettre de divorce, elle aurait lapidée. La loi donnait ce privilège-là aux hommes et aux femmes. N'importe qui était pris à flagrant l'adultère, on lapidait. Donc, le mot honteux, ce n'est pas sexuel. C'est autre chose. Donc, c'est pour un motif quelconque, entre guillemets. Il dit, renvoie-la. Mais tu n'as pas le droit de la reprendre parce que maintenant, elle s'est mariée avec un autre. Et si elle revient, elle est souillée parce qu'elle s'est mariée avec un autre homme. Elle n'a qu'un autre homme. Ce n'était pas un motif selon Dieu. Donc, tu n'as pas le droit de la reprendre. On est dans l'Ancien Testament, là. On suit l'Ancien Testament. Je vous dis que ce texte-là, on ne doit pas le prendre pour parler du divorce. On doit le prendre pour une autre raison. La raison, c'était, est-ce que je peux reprendre la femme que j'ai divorcée la première fois, qui s'est mariée avec un autre, puis s'est divorcée une deuxième fois, puis que son mari est mort. Est-ce que je peux la reprendre? Et là, on peut prendre ce texte-là pour regarder cela. OK? Mais la raison que Jésus dit dans le texte, pourquoi Jésus a-t-il dit « Dieu a permis » ou « Moïse a permis le divorce » C'est quoi la raison qu'il donne? La dureté des cœurs. Le divorce a juste une raison, mes frères et sœurs. Vous pouvez en appeler à n'importe quoi. Le divorce est la manifestation du cœur dur de l'être humain. Vous dire, ah, c'est ci, ah, c'est lui, ah, c'est elle, c'est comme ci, c'est comme... La raison, c'est que l'être humain a un cœur dur. L'être humain a un cœur dur. C'est pas François qui le dit. C'est marqué là. On peut bien justifier. C'est juste Dieu qui dit. Si on était dans le paradis, des hommes parfaits dans une situation parfaite, c'était pas un cœur dur, cela, non. Hein? C'était un cœur spirituel comme Dieu le voulait. Il n'avait pas eu de divorce. Mais quand l'homme a péché, l'homme est devenu ce qu'on appelle avec un cœur dur. Et là, maintenant, il veut divorcer pour n'importe quelle raison. La femme aussi, c'est aussi ouvert sur les deux bords aujourd'hui. On veut divorcer pour n'importe quelle raison. Et là, on est tellement sûr qu'on justifie. J'ai demandé à cette femme-là qui était à ma porte cette semaine, pourquoi ton mari t'a dit qu'il s'en allait, ou pourquoi tu le divorces? Et là, elle m'a rapporté un paquet d'affaires. Mais elle n'a pas dit c'est parce qu'on est des pécheurs. Puis dans le fond, c'est ça la raison. Il n'y a pas d'autre raison. Dieu permet le divorce. Jésus va clarifier d'ailleurs pourquoi, mais là, il permet le divorce. Il ne faut jamais dire Dieu ne veut pas le divorce. Dieu a permis le divorce. On va voir pour quelle raison tout à l'heure. Mais la raison fondamentale, c'est l'homme a un cœur dur. Ça va toujours finir là. Si l'homme n'avait pas un cœur dur, il ne se divorcerait pas. Mais il y a un cœur dur. Et le mot cœur dur, là, il y a bien plein d'explications qu'on pourrait donner. Qu'est-ce que ça veut dire un cœur dur? La Bible, elle nous donne cœur dur comme le diamant, dur comme la roche, toutes sortes d'expressions. Et tout ce que ça veut dire, l'homme est en rébellion avec son Dieu, ne veut pas faire ce que Dieu a demandé, tout simplement. C'est ce que ça veut dire. Comme on disait, Israël, tu es un coup raide, hein? Ça veut dire la même affaire. L'homme est, en anglais, on dit un stiff neck. Il est dur de cœur, il ne veut pas faire ce que Dieu demande. Il ne veut pas le faire. Donc, c'est pas dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, en 2004 ou en 2006 ou en 2002, si on est encore là. Nous, on ne sera plus là, mais si il y a encore du monde sur la terre, ça va continuer à dire l'homme a un cœur dur. La femme a un cœur dur. C'est pour ça qu'il y a des divorces. Et des problèmes comme ça. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait un cœur dur, et Dieu, est-ce que Dieu a changé de règle? Est-ce que Dieu est moins saint, moins parfait? Parce que dans l'Ancien Testament, l'homme ou la femme qui commettait l'adultère, il méritait la mort. Est-ce que Dieu est moins exigeant aujourd'hui? Non. Et les gens qui ont survécu dans l'Ancien Testament à ces choses-là, comme Salomon qu'on a parlé tout à l'heure, c'était quoi? La manifestation de la grâce de Dieu. Parce que si ces gens-là ne viennent pas chercher la grâce de Dieu, Dieu un jour va les faire mourir dans l'enfer pour l'éternité. Dieu n'a pas changé son niveau de sainteté ou de pureté ou de justice. C'est qu'il fait juste mettre un temps entre les deux. Tu mérites la mort à cause de ce que tu as fait. Tu mérites la mort, mais je ne vais pas te la donner tout de suite. Je te présente la grâce. Si tu ne la prends pas, je vais te la donner la mort. Voyez-vous? C'est la même chose dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. C'était la grâce de Dieu. Tous ces hommes et ces femmes de l'Ancien Testament qui ne sont pas morts à cause de l'adultère ont goûté la grâce de Dieu. Et tous les gens aujourd'hui qui ont commis l'adultère et qui se sont divorcés ont commis un péché devant Dieu et Dieu leur manifeste sa grâce. Il leur dit, repens-toi, je vais te pardonner. Si tu ne le fais pas, un jour, tu vas mourir pour ça. Comme pour n'importe quel autre péché. Tu vas mourir pour ça. Tu vas aller en enfer pour ça. Donc, il ne faudra pas Je suis pas en train de vouloir dire, maintenant, là, on va minimiser ça, ben, c'est pas grave, c'est comme ça, on a le cœur dur, c'est pas grave. Non, non, c'est encore aussi grave. Le divorce ou l'adultère aujourd'hui est aussi digne de mort que dans l'Ancien Testament. C'est aussi digne de lapidation que dans l'Ancien Testament. C'est que Dieu fait juste retenir son jugement pour le temps de la grâce. Et quand le temps de la grâce va être terminé, vous allez subir la conséquence si vous n'êtes pas repenti et converti. Vous me comprenez? Vous me suivez bien dans mon raisonnement? On n'est pas en train de minimiser ça, là. On n'est pas en train de dire que ce n'est pas grave. Non, non, non, non, faites-moi pas dire ça. L'adultère et le divorce est digne de mort, comme n'importe quel autre péché. N'importe qui ne se repent pas mérite la mort et l'enfer pour l'éternité à cause de ce péché-là. Et Jésus permet ça. Pourquoi il le permet, vous pensez-vous? Pourquoi il le permet? Pourquoi il permet aux hommes et aux femmes qui ont un cœur dur de se divorcer? Parce qu'il dit, donne une lettre de divorce, donne-lui un papier, donne ça à cette femme-là. Parce que quand Jésus a sorti ça dans Moïse, les femmes ne pouvaient pas faire ça. C'était impossible à la femme de faire ça. Dans cette culture-là, une femme ne pouvait pas arriver et dire, « Oh, si mon mari, je t'écris une lettre de divorce, va-t'en. » Elle ne pouvait pas faire ça. Elle aurait eu le droit, je pense, elle allait le faire. Elle aurait bien pu le faire, mais la culture ne le permettait pas qu'elle le fasse. Mais Dieu y aurait permis de le faire aussi, autant qu'à l'homme. Pourquoi est-ce que Dieu a permis ça à ce moment-là? Pourquoi? Moi, je crois qu'il voulait tout simplement protéger les victimes. Dieu protège les victimes. Il ne protège pas ceux qui commettent l'adultère et le divorce. Il protège les victimes qui subissent. Vous savez, une femme, dans ce temps-là, que son mari mettait dehors, pour une raison quelconque, elle n'avait pas le BS. Elle n'avait pas l'aide de la société. Elle n'avait aucune possession. Les femmes n'avaient le droit à aucune possession. Ni appartement, ni logement, ni terre, ni travail. Les femmes ne travaillaient pas dans la société dans ce temps-là. La seule chose qu'elle pouvait faire, c'est retourner chez papa puis maman. Elle ne pouvait pas faire autre chose. Elle ne pouvait pas. Ou elle devenait une prostituée, comme on en voit dans certains passages de l'Ancien Testament. Elle devenait une prostituée pour pouvoir vivre. Mais il dit, en lui donnant une lettre de divorce à la victime, si je peux dire comme ça, ça lui donnait le droit de se remarier. Dieu protège la victime. Dieu n'est pas en train de vouloir faciliter les gens à commettre le péché dans l'adultère et dans le divorce. Il n'est pas en train de faciliter ça aux gens. Il est juste en train de vouloir protéger les victimes de cela. Protéger la société. Parce que je vous dis, quand on tue la famille, on tue la société. Vous savez ça comme moi. Vous remarquez dans les grandes cultures, dans la grande histoire de l'humanité, regardez-les, lisez leur histoire. Quand c'est rendu là, les sociétés, ces sociétés-là, se dissoutent avec le temps. Ils se défont avec le temps. Ils se défont avec le temps. Plus ça va devenir facile, plus ça va devenir ouvert, et plus ça va devenir que tout le monde va le faire, plus la société est en train de se détruire. Parce que c'est la base. L'homme quittera son père et sa mère, sa chair et sa femme. C'est à la base de la société, c'est à la base de la famille. Et quand on enlève la base, on détruit la société. C'est comme si vous êtes en train de casser votre solage, puis espérant que la cheminée ne va pas tomber à terre. Si vous cassez le solage, soyez bien garanti que la cheminée va tomber. Il faut l'accepter comme ça. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas gracieux. Oh, Dieu est gracieux. Mais il faut bien comprendre la pensée de Dieu pour saisir ça. Dieu veut juste protéger ces femmes et ces hommes aujourd'hui, parce que dans la culture aujourd'hui, tout le monde le fait. Quand j'ai entendu dire que cette famille, ce chrétien-là, divorçait cette semaine, la première chose que j'ai dit, c'était, qu'est-ce qui va arriver avec sa femme? Je la connais, sa femme. Qu'est-ce qui va arriver avec sa femme? Qu'est-ce qui va arriver avec sa femme? Parce que je sais que c'est elle qui a le caractère faible dans la situation. Puis je ne suis pas sûr que lui va vouloir lui donner la moitié du patrimoine. On se dépend tout le temps. Elle n'a aucune éducation, toute sa vie, à 57 ans, 58 ans, toute sa vie, elle était dans la maison. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle va travailler à 7 piastres de l'heure? Elle devrait avoir des lois. Puis il y en a, aujourd'hui. J'ai dit, j'espère qu'elle va être capable de les prendre, les lois, puis se sauvegarder un petit peu de ça. pas qu'elle mette ça trop facile pour cet homme-là, qui est en train maintenant de faire quelque chose avec lui, avec elle, qu'il n'aurait pas dû faire. Et moi, je vous dis, frères et sœurs, si vous êtes dans l'Église ici, et si vous prenez la décision de divorcer, vous êtes mieux me parler avant. Parce que je vais réagir. Pas en tant que pasteur, je vais réagir en tant que chrétien. Si vous voulez faire ça, vous êtes mieux m'en parler avant. Parce que je vais faire de quoi si vous faites ça? Je ne vais pas laisser passer ça comme si rien n'était. Parce que Dieu ne va pas laisser passer non plus. C'est pas qu'on manque de grâce, mais il faut quand même comprendre que c'est une action que Dieu ne peut pas supporter. Il est prêt à faire grâce. Pour Dieu, le mariage était quelque chose de permanent. S'il a permis le divorce, rappelez-vous, si un jour vous dites, je demande le divorce, là je le dis de façon grosse, grosso modo, on va en parler plus la semaine prochaine, je demande le divorce, dites-vous tellement, bien comme il faut, je le demande parce que j'ai un cœur dur, parce que Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas. Là je parle de la règle générale, Dieu ne veut pas. N'essayez pas de justifier cela. Dieu n'a pas permis le divorce au commencement. Regardez les versets qu'il y a là. Est-ce que vous lire le verset Genèse 2, 24? Donc, c'est ce que Dieu voulait. Ils deviennent une seule chair, c'est pour toujours. Ils ne sont plus deux, ils sont un. Donc, ils ne peuvent pas. Ils sont unis maintenant. Deux, dans les commandements de Dieu, les 10 commandements de Dieu, hein? Tu ne commettras pas point ou d'adultère. Donc Dieu, s'il dit ça à l'homme et à la femme, tu ne commettras pas d'adultère, ça veut dire qu'il n'y aura jamais de divorce. Hein? Il n'y aura jamais de divorce, en général. Si je ne deviens pas un adultère, bien, je suis avec la même femme qu'avant. Là, je parle de règle générale dans cela. Et vous dites, quelqu'un veut lire ça, Malachie? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu pense d'un adultère ou d'un homme qui répudie sa femme? Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas drôle de le dire, hein? Je hais ça. Ça me répugne. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est ça que Dieu dit. Je hais ça. Fait quand vous dites que Dieu m'a permis, soyez bien conscient, hein, qu'il va te permettre des choses. Hein, mais il hait ça. Il n'est pas capable de supporter ça. Donc, celui qui couvre son vêtement de violence. Le veut violence, ça veut dire qu'il trompe sa femme, trompe son mari. C'est ça que ça voulait dire ici. Il n'est pas en train qu'il se donnait des coups de pied, là, c'est pas ça qu'il parlait. OK? Et je ne sais pas si j'en ai un autre. Ah, j'en ai un autre, excusez. Dans Hébreu, dans le Nouveau Testament, que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Le mot « jugerai », ça veut dire « condamner », c'est le même mot, « juger, condamner ». Il va condamner tous ceux qui sont débauchés. Débauchés, ça veut dire en dehors du mariage, ils ont des relations sexuelles, et les autres, c'est des adultères, ça veut dire que même ils sont mariés, ils ont encore des relations sexuelles en dehors de leur propre mariage. Les débauchés, c'est avant le mariage, les adultères, c'est après le mariage. Donc, mais c'est les deux, les deux sont coupables de condamnation. Dieu dit « je ne permets pas que tu souilles le lit conjugal ». Le mot « suivi », ça veut dire que tu vas aller vers quelqu'un d'autre. C'est pas que tu vas renverser du jus de raisin dans le litre. Hein? Et si tu souilles ton mariage, si tu te trompes ta femme, si tu vas ou trompes ton mari, tu souilles le mariage que tu as pris. Et moi, je veux te juger. Je veux te juger. Là aussi, on parle de toutes ces choses-là, mais la semaine prochaine, on va regarder si je suis là, si je suis rendu à cette place-là, dans ma vie, si j'ai vécu ces choses-là dans ma vie, qu'est-ce que Dieu veut de moi maintenant? Moi, je dis tout le temps, j'ai toujours un exemple que je donne, soit aux chrétiens, aux inconvertis. Dieu, ce qu'il veut, c'est le paradis ici en haut. Là. Un homme, une femme, pour la vie. C'est ça que Dieu veut. Hein? C'est ça que Dieu ne peut pas vouloir moins que ça. C'est ça. Dieu est parfait et ce qu'il veut, c'est la perfection. Vous, vous êtes où, là? Moi, je suis où, cette là? Hein? On est à quelque part ici, toute la gang, on est à quelque part ici. Ce matin, on parle de l'adultère ou de la débauche, mais on pourrait parler de l'orgueil, on pourrait parler du mensonge, du vol, c'est la même affaire, là. OK? C'est toute la même chose. On est où à quelque part ici? Moi, quand je suis devenu chrétien, mettons, j'étais ici. Le désir que Dieu a mis en moi par son esprit, c'est de monter vers la perfection. C'est d'aller vers ça. Comment je peux maintenant, dans ma vie, m'enligner plus vers ce que Dieu voudrait pour moi? Il n'y a personne qui va se rendre en haut à la perfection. Excepté le jour qu'on va rejoindre Dieu dans le ciel. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Bon, j'ai gaffé, j'ai péché, j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire, j'ai trompé ma femme, j'étais adultère, j'ai divorcé. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que Dieu s'attend de moi aujourd'hui en tant que chrétien? Parce que nous, les frères et sœurs, nous n'avons plus un cœur dur. Nous avons maintenant un cœur de chair, la Bible nous dit. J'enlèverai ton cœur de pierre et je mettrai à la place un cœur de chair, un cœur tendre, un cœur docile, pour que tu fasses ma volonté. Donc, le chrétien, lui, ce qu'il veut savoir, c'est qu'est-ce que Dieu dit. Je me souviens toujours, il y a une femme à qui je parlais du Seigneur, et elle se convertit dans les semaines qui ont suivi. Et elle dit, « Oh, François, que j'aurais aimé ça, savoir ça il y a 3 semaines avant de quitter mon mari. » Et j'aurais aimé ça savoir avant. Et moi, j'ai dit, dans le secret de mon cœur, « Seigneur, elle a raison. Pourquoi tu ne l'as pas sauvé il y a un mois? » Dans ma tête, à moi, je me disais, « Ça n'aurait pas été plus dur il y a un mois, me semble. » Et là, elle a bien voulu retourner chez son mari. Mais son mari a fermé la porte. Il dit, j'en veux pas d'une femme débauchée qui est partie avec le voisin. N'enlevez pas de cette femme-là pour éduquer mes enfants. Et elle n'a pas pu. Il y a eu la garde des enfants, c'était fini. Mais en tant que chrétienne, maintenant, elle m'a demandé, mais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse maintenant? Et je peux vous dire, c'était quand cette femme-là me demandait ça que j'ai fait les 4 études que je vous présente aujourd'hui. Elle avait 22 ans. Qu'est-ce que je dis à cette femme-là maintenant? Pas qu'est-ce que les baptistes disent. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit à cette femme-là? C'était elle la responsable. C'était elle l'adultère. C'était elle qui avait rejeté son mari et ses enfants pour partir avec je dis le voisin, c'était pas le voisin, littéralement, mais avec un autre. Qu'est-ce que tu lui dis à cette femme-là? Ou ça aurait pu être le mari, qu'est-ce que tu lui dis maintenant en tant que chrétien? Peux-tu se marier? Peux-tu pas se marier? As-tu le droit de se marier? Es-tu adultère si c'est son mari? C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Qu'est-ce qui arrive avec tous ces gens qui se sont divorcés pour toutes sortes de raisons? Des fois pour des bonnes raisons, des fois pour des moins bonnes raisons. Des fois pour une raison quelconque. Qu'est-ce que Dieu te dit à toi maintenant? Nous prions ensemble. Notre Père du ciel, je te remercie, ta grâce se manifeste. Hein? Merci, ta grâce s'est manifestée pour Abraham, pour David, pour Moïse. Hein? Tous ces hommes avaient plusieurs femmes. Hein? Mais pourtant, tu les avais bien dit de ne pas le faire. Ils l'ont toutes fait quand même. Tu as manifesté ta grâce en ne les faisant pas mourir. Hein? Et encore aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ce matin qui sont assis ici, nous avons vécu soit un divorce, soit une séparation, soit un rejet, soit une répudiation, ou un adultère, hein? De la débauche. Mais tu es un Dieu gracieux. Pas bonasse, mais gracieux. Qu'est-ce que tu nous dis de faire maintenant? Qu'est-ce que tu t'attends de nous maintenant, en tant qu'enfant de Dieu? Je te demande, Seigneur, que pendant la semaine, qui s'en vient, que chacun de nous, on puisse peut-être plonger les regards dans la parole de Dieu individuellement. Et regardez cela. Qu'est-ce que Dieu veut? Que tu puisses diriger mes études personnelles et que je puisse préparer ça à nouveau, rafraîchir ce que j'ai fait, hein, pour que la semaine prochaine, nous puissions revoir ta volonté, pouvoir voir ce que toi, tu t'attends que nous fassions en tant que tes enfants qui ont été sauvés par grâce. Hein. Dirige-nous et que ton nom soit exalté. Seigneur, peu importe qui nous sommes ce matin, on est tous des pécheurs graciés, et nous voulons aller dans le monde que nous vivons, dans nos propres maisons, nos voisins, nos amis, partout. Nous voulons manifester la gloire de Dieu. Nous voulons manifester la grâce de Dieu. Nous voulons dire à quel point tu es bon et que tu pardonnes. Parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Utilise-nous pour te glorifier. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. OK, on va se lever et on va chanter un dernier cantique, si vous voulez bien.